Book 2 35 35 35 في المطار à l'aéroport à l'aéroport من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا. Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. Je voudrais réserver une place sur le vol pour Athènes. هل هذا طيران مباشر؟ Est-ce que c'est un vol direct? Est-ce que c'est un vol direct? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Une place près du hublot, non fumeur, s'il vous plaît. Une place près du hublot, non fumeur, s'il vous plaît. من فضلك, أريد تأكيد الحجز. Je voudrais confirmer ma réservation. Je voudrais confirmer ma réservation. من فضلك, أريد إلغاء الحجز. Je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation. من فضلك, أريد تعديل الحجز. Je voudrais modifier ma réservation. Je voudrais modifier ma réservation. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Quand part le prochain avion ? Pour Rome. Quand part le prochain avion pour Rome? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Y a-t-il encore deux places de libre? Y a-t-il encore deux places de libre? لا, ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. متى نهبط؟ Quand est-ce que nous atterrissons? Quand est-ce que nous atterrissons? متى نصل؟ Quand serons-nous là-bas? Quand serons-nous là-bas? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville. Quand est-ce qu'un bus part pour le centre-ville? هل هذه حقيبتك؟ C'est votre valise? C'est votre valise? هل هذه شنطتك؟ C'est votre sac? C'est votre sac? هل هذه أمتعتك؟ Ce sont vos bagages? Ce sont vos bagages? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Combien de bagages puis-je emporter? Combien de bagages puis-je emporter? 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. كم؟ فقط 20 kilos؟ Quoi? Seulement 20 kilos? Quoi? Seulement 20 kilos? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.